B. 1. Il est inflexible et insupportable. 2. Ce blé est immangeable. 3. Sa plainte n'est pas recevable. 4. Ce placard bleu est en plomb.